a gardé son âme d'enfant. Il adore les blockbusters et les histoires de super-héros. Voici Frédéric Sigrist. Vous savez Mathilde, je sais ce qu'on dit de moi sur cette antenne. Oui, Sigrist, il est gentil, mais les films dont il parle le vendredi, ils font pas bien mal à la tête. Eh ben laissez-moi vous dire que c'est pas encore cette semaine que je vais leur prouver le contraire. Non, parce que cette semaine, j'ai vu Black Adam. Alors c'est pas une perceuse Clément, hein. C'est un nouveau film de super-héros DC Comics joué par The Rock. Black Adam est un ancien super-vilain DC Comics créé en 1945, le némésis d'un autre super-héros nommé Shazam. En bande dessinée, Black Adam est un personnage complexe et ambigu, et en film, c'est un chouïa moins complexe. Je peux vous assurer qu'aucun neurone n'a été blessé durant le tournage. C'est un gros film de bourrin, et ça vient d'un spectateur qui trouve que Keanu Reeves dans John Wick qui tue toute la mafia russe parce qu'on a tué son chien, c'est un excellent scénario. Hein. Alors, avant que les fans de The Rock me tombent dessus avec du goudron et des plumes, je dois rappeler que non seulement j'adore Dwayne Johnson, alias The Rock, depuis son passé de catcheur, mais que j'ai toujours ardemment défendu sa filmographie envers et contre tout. Certes, The Rock, en termes de jeu, c'est pas Daniel Day-Lewis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il joue quand on a son physique ? The Rock n'aura jamais la statuette du meilleur acteur, par contre, il ferait une très belle statuette. Le mec est musclé à un point dans ce film, c'est un truc de malade. Ses épaules commencent aux oreilles. Il faut savoir qu'à Hollywood, chacun des muscles de Dwayne Johnson a un agent. Il a des veines sur chaque bras, tu peux les visiter en Thalys. Rien que dans une cuisse, tu peux faire 4 Anthony Bélanger. C'est un des rares acteurs pour lesquels on va utiliser des images de synthèse pour qu'il ait l'air moins musclé. Et tout est vrai, hein. En plus de ça, le gars a un capital sympathie à faire rouler les voitures sans essence, un charisme de folie, l'anti-Bruno Le Maire. Tu mets pas The Rock dans un film, tu mets un film dans The Rock. Et c'est chronique d'un succès annoncé. Donc sur le papier, une méga star comme The Rock, cumulée à un film de super-héros qui est le seul genre, je le rappelle, qui résiste à la crise du cinéma, logiquement, c'est le rêve mouillé de tous les producteurs à Hollywood. Donc Black Adam avait tout pour vous plaire, Frédéric. Oui Mathilde, mais voyez-vous, on peut aimer le bacon, le fromage fondu, les frites et le chocolat, c'est pas une bonne idée de les mélanger. Et c'est l'effet que Black Adam m'a fait. Ça m'a filé du cholestérol cinématographique. Oh, c'est joli. Un bordel qui part dans tous les sens. Ce film a un trouble dissociatif de l'identité, comme Gollum. T'sais, d'un côté, tu l'entends dire « Je veux être une comédie d'action, comme chez Marvel, avec des personnages secondaires ridicules et un gamin insupportable. » Non, ce que je veux, c'est une iconisation du corps et des ralentis à la Zack Snyder. Non, c'est un film de The Rock, où The Rock joue un méchant, mais pas trop méchant, parce que The Rock est l'ami des enfants. C'est n'importe quoi. The Rock qui produit le film, joue dedans, a demandé à un pote de réaliser, à un autre de l'écrire. The Rock qui nous a fait une Bernard-Henri Lévy. Avec en plus une pseudo-réflexion sur ce que c'est qu'être un héros. La Justice Society of America, un autre groupe de super-héros d'ici, tente dans le film de faire comprendre à Black Adam qu'un héros ne tue pas. Sauf que ça se passe dans un univers cinématographique où Superman tue, Batman tue, Wonder Woman tue, Aquaman tue, tout le monde tue. Bref, un univers où tous les héros font ce qu'ils reprochent à Black Adam depuis 2013. Donc vous déconseillez d'aller le voir? Ah bah dire que non, il faut y aller. Ah. Il faut y aller Mathilde. Un fan de comic book, ça va systématiquement voir toutes les adaptations. Il est déçu par la plupart et va ensuite insulter les gens qui sont pas d'accord avec lui sur les réseaux sociaux. C'est le cycle naturel de la vie. Mais si vous voulez découvrir une bonne histoire de Black Adam, un personnage éminemment intéressant, il y a l'excellente BD de Peter Tomasi pour la modique somme de 24€ aux éditions Urban Comics. Frédéric Sigrist, en parlant de super-héros, hein, c'est le titre de votre spectacle, que vous jouez ce soir à Clermont-Ferrand à la BD Singe, c'est à quelle heure ? À 20h30. 20h30, donc pour voir super-héros. Est-ce que vous parlez de Black Adam dans votre spectacle ? Je pense qu'on va en parler un petit peu. De toute façon, il y a un peu d'impro, vous vous ajustez oh, à chaque fois. Oui.